employé de la semaine. Il est revenu de ses vacances sur le yacht de ses parents à Saint-Tropez, mais lui a honoré ses promesses de dons. Vous attendiez tous son retour, c'est le petit Danny, le facétieux stagiaire de la rédaction de Là-bas si j'y suis. À toi Danny. Bonjour les amis, c'est moi le colibri, l'oiseau minuscule, pimpant et joyeux. Joyeux, mais pas aujourd'hui, car il y a le feu les amis. Notre grande forêt brûle. Aussi je ne reste pas avec vous, j'y vais. J'y vole, je suis indigné. Voyez comme je suis indigné, les amis. D'ailleurs, j'ai signé la pétition « Abat le feu ». Mais ce n'est pas tout. Je ne reste pas sans rien faire. Je suis un colibri engagé. Voyez à mon bec cette goutte d'eau. Eh bien, je vais la larguer dans les flammes. Oh, certes, ce n'est qu'un geste. Mais c'est déjà ça, les amis. On est si impuissant, si petit, et l'on se sent tellement bien quand on fait le bien. Après ça, on peut se regarder dans la glace, car que faire d'autre en attendant que les flammes arrivent et nous emportent tous ? Ouais, un peu partout, ces temps-ci, on entend ce colibri avec sa petite chanson. C'est déjà ça, le peu qu'on peut, c'est mieux que rien. Mettre de l'éthique sur l'étiquette, faire du commerce équitable, du développement durable, repeindre les barreaux des prisons, dénoncer bavures et dérives, fustiger la guerre, se scandaliser devant le terrorisme. Toutes les causes, toutes les luttes qu'on voudra, mais surtout rien de politique. Rien qui risque de remettre en cause l'ordre économique du monde, mais au contraire, le renforce et lui donne figure humaine, celle du citoyen consommateur. Pour un capitalisme moral, voilà, un possible mot d'ordre, ou bien encore, un autre capitalisme est possible. C'est ça le plus important, que le colibri s'agite et s'épuise et démontre son impuissance, notre impuissance, mais qu'il ne touche pas à l'ordre inéluctable. Pas question de toucher au fonds de commerce qui repose sur la science de l'économie politique. Marx, Karl l'avait dit. L'économie politique, malgré son air laïque et matériel, est en réalité une science morale, la plus morale des sciences. Son dogme principal, c'est le renoncement, l'abandon de la vie et de tous les besoins humains. Alors, que le colibri ne demande pas pourquoi la forêt est en feu, que le colibri ne demande pas pourquoi, depuis la privatisation des sapeurs-pompiers, les camions sont en panne faute d'investissement, que le colibri ne sorte pas du périmètre de l'émotion et de la compassion, que le colibri n'entende pas sous la terre, dans le souterrain des choses, la taupe qui patiemment creuse et ronge en sifflotant, les pilotis du grand château de cartes. Mais vous pouvez encore choisir pour cette année, taupe ou colibri. C'était l'employé de la semaine. Contente de redémarrer cette saison, et alors on va s'écouter pour la première, un monsieur qui s'appelle Jacques. J'ai envie de le rencontrer parce que c'est un bonhomme qu'on m'a présenté en disant qu'il a habité 10 ans en tipi et qu'il habitait loin des humains, quoi. Donc voilà, j'ai envie de rencontrer ce bonhomme. Ce qui est intéressant, c'est que ce bonhomme, c'est tout ce qu'on saura de lui, Jacques. Il ne veut pas faire de la pub pour lui-même. Il n'a pas du tout envie qu'on le prenne en photo, ni rien du tout. Enfin voilà, ce qui est intéressant, je trouve, dans notre monde de l'entre-soi comme ça, où on croirait que tout le monde a envie d'être pris en photo, de parler, de faire le buzz, quoi. Mais non, il y a un autre monde du pas buzz qui s'exprime là, et donc c'est intéressant pour ça aussi. C'est la parole de quelqu'un, c'est le témoignage de quelqu'un, c'est l'expérience, c'est du vécu. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant à réécouter, en vue de le diffuser, ce micro ouvert, eh bien, c'est tous les silences, en fait, tous les échanges calmes. Ça fait vraiment du bien de communiquer comme ça, en fait, de prendre le temps d'écouter ce qui se dit, de réfléchir à ce qu'on va dire. Hein, alors qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu les médias classiques, ça... Ça, on s'écoute même plus, voilà, on s'écoute pas, très clairement. On est déjà dans l'autodéfense, on est parti avec sa langue pour se battre, pour donner sa vision du monde. Parce que, voilà, on est vraiment... moi, je trouve que ça raconte ça aussi. Après, je m'égare et j'arrête. On est aussi dans une lutte des idées, vous voyez. Et donc, pour pas entendre l'idée de l'autre... on va imposer la sienne. Voilà, je trouve que ça raconte ça aussi. On est dans une guerre des idées aujourd'hui dans notre monde moderne. Alors, pas partout sur la Terre, hein. Il y a, c'est dans les pays modernes, avec les médias qui prennent une place énorme. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que les médias, c'était comme la religion d'avant, vous savez. Quand il y avait la religion qui dominait, il n'y avait pas de différence entre l'État et la religion. Ben là, maintenant, c'est les médias, en fait, c'est nouveau Dieu, les médias, quoi. Voilà. J'avais aussi envie de faire le lien entre donc Jacques qui parle. À un moment donné, vous allez entendre, au tout début, on parle d'un monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi. Alors, je ne vais pas développer... qui c'est ce monsieur? Vous faites une recherche, hein, Pierre Rabhi sur le net, vous verrez. En gros, c'est un monsieur paysan, quoi, ardéchois, voilà, qui a eu un projet fou il y a longtemps, alors qu'il était ouvrier, de lancer au milieu de nulle part une autre manière de faire de l'agriculture, enfin, d'être autonome, quoi. C'est vraiment, il a lancé le bonhomme. Ça, c'est assez remarquable, voilà. Il a tenu bon, et maintenant, aujourd'hui... tout ça est génial. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, moi, le Pierre Rabhi, j'ai jamais lu, j'ai jamais rencontré. Enfin, si, une fois, je l'ai rencontré brièvement lors d'une conférence. Je l'ai pas du tout trouvé sympathique. Voilà, mais vraiment sans plus. Et, mais bon, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'on a une impression sur quelqu'un qu'elle est vraie. Hein. Mais donc je l'avoue, moi j'ai jamais lu Pierre Rabhi, j'ai juste entendu des choses sur son histoire de colibri là, parce qu'il a une association qui s'appelle Colibri. Alors pourquoi Colibri? Ça part d'une idée que le colibri, c'est un conte amérindien, et le Pierre Rabhi il a expliqué sur tous les médias, quoi. Enfin, ce type il a vraiment fait pas mal de médias et expliqué cette histoire. C'est-à-dire le petit oiseau qui va éteindre un énorme incendie et on lui dit « mais tu vas pas éteindre, toi, petit oiseau de rien du tout, cet énorme incendie ». Et le colibri dit « non, mais au moins j'aurais fait ma part ». Voilà. Donc cette association Colibri, représentée par Pierre Rabhi, même plus que représenté, hein, puisque c'est vraiment l'initiateur à la base. Donc ça, c'est remarquable. Après, ces idées, moi, j'ai souvent entendu que pour se former, pour aller... pour se former à tout ce qu'il a mis en place, le Pierre Rabhi, ben, ça coûte la peau du cul. Enfin, voilà, il y a tout un business derrière tout ça. Voilà, ça, j'avais envie de dire. Puis on entend au début de ce micro ouvert le Daniel Mermet, là, ancien journaliste sur France Inter, qui s'est fait virer, qui maintenant fait ça sur le net, là-bas, si j'y suis, qui lui, c'est en référence l'histoire du colibri, ben, à Pierre Rabhi, évidemment. Mais aussi, je pense, je ne l'ai pas demandé à Daniel Mermet, mais à une excellente critique dans le monde diplomatique du mois d'août 2018 sur le système Pierre Rabhi. Frugalité et marketing, ça s'appelle, du journaliste Jean-Baptiste Mallet. Le Daniel Mermet au début, mais il souligne bien l'importance qu'il n'y a plus de combat politique, quoi. On oublie la lutte, on oublie, vous savez, la lutte entre les dominants, dominés, toute l'histoire qui s'est passée, on oublie tout ça. Et... il suffirait de consommer vert, voilà, c'est ça l'idée, hein. On met un associatif, une mère de famille, un agriculteur, un élu, un artiste, et ils s'organisent pour trouver des solutions qu'ils n'auraient jamais imaginées seuls. Voilà, il suffirait de mettre ces gens ensemble et de regarder comment consommer plus vert, voilà, et tout le monde va bien. Mais le Daniel Mermet, il rappelle qu'il y a quand même des intentions derrière, quoi. Il y a quand même un rapport de force, il y a quand même Voilà, il y a quand même tout ça. Et moi, je vous lis un passage dans ce monde diplomatique du mois de août 2018, frugalité et marketing. La panne des grandes espérances politiques remet au goût du jour une vieille idée. Pour changer le monde, il suffirait de se changer soi-même et de renouer avec la nature des liens détruits par la modernité. Portée par des personnalités charismatiques comme le paysan ardéchois Pierre Rabhi, cette insurrection des consciences qui appelle chacun à faire sa part connaît un succès grandissant. Alors j'ai choisi un extrait. À partir de 2009, année marquée par la participation de Rabhi à l'université d'été du mouvement des entreprises de France, ça s'appelle le MEDEF, le fondateur des Colibris rencontre des dirigeants des grandes entreprises comme Veolia, HSBC, General Electric, Clarins, Yves Rocher ou Weleda, afin de les sensibiliser. Les rapports d'activité de l'association Colibri évoquent à cette époque la création d'un laboratoire des entrepreneurs Colibri, chargé de mobiliser et de relier les entrepreneurs en recherche de sens et de cohérence. On peut réunir un PDG, un associatif, une mère de famille, un agriculteur, un élu, un artiste et ils s'organisent pour trouver des solutions qu'ils n'auraient jamais imaginées seuls, dit-on. Désireux de stimuler cette imagination, Rabhi a également reçu chez lui ces dernières années le milliardaire Jacques-Antoine Grandjean, le directeur général du groupe Danone Emmanuel Faber, ainsi que M. Jean-Pierre Petit, plus haut dirigeant français de McDonald's et membre de l'équipe de direction de la multinationale. J'admire Pierre Rabhi, je vais à toutes ses conférences, clame M. Christopher Guérin, directeur général du fabricant de câbles Nexans Europe, 26 000 salariés, qui se flatte dans le même souffle d'avoir multiplié par 3 la rentabilité opérationnelle des usines européennes en 2 ans. La source, c'est le Figaro 4 juin 2018. Rabhi a également déjeuné avec M. Emmanuel Macron durant sa campagne pour l'élection présidentielle. Macron, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas simple, nous déclare-t-il. Il est de bonne volonté, mais la complexité du système fait qu'il n'a pas les mains libres. À force de persévérance, les consciences s'éveillent. Le 8 mai 2018, à Milan, dans le cadre du salon de l'agroalimentaire Seeds et Chips, M. Stéphane Koum, directeur des opérations de Carrefour Italie, disserte devant un parterre de journalistes et d'industriels. 3 mois à peine après que M. Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, a annoncé 2 milliards d'euros d'économies, la fermeture de 273 magasins et la suppression de 2400 emplois, le dirigeant de la succursale italienne fait défiler une présentation. Soudain, une citation appelant à l'avènement d'un humanisme planétaire apparaît à l'écran, accompagnée d'un visage au sourire rassurant. « Il y a 6 ans, j'ai commencé à lire Pierre Rabhi », déclare ce patron Colibri, « pour que nous parvenions au changement. Il faut que chacun fasse sa part. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui veulent changer le monde et c'est aussi la volonté de Carrefour. Réconcilier grande distribution et sollicitude environnementale, grande fortune et spiritualité ascétique, la sobriété heureuse est décidément une notion élastique. » Voilà, je vous invite vraiment, si vous intéressez à toutes ces questions, de trouver Jean-Baptiste Mallet, journaliste, donc le système Pierre Rabhi, frugalité et marketing, monde diplomatique du mois de août 2018. Et puis, vite dit, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi Cyril Dion, bonimenteur de l'écologisme médiatique et subventionné, c'est Nicolas Cazot, AUX, hein, Cazot, C-A-S-A-U-X, qui fait vraiment aussi une excellente analyse critique sur toute cette idée d'écologie verte, quoi. ne nous laissons pas berner, quoi. Ce serait trop bête, trop facile. Hop, c'est parti. Et donc, on est dans la nature, une belle nature, en été, au mois d'août, mi-août, comme ça, 2018. Et je suis en face d'un monsieur qui préfère rester anonyme. Donc voilà, comme ça, on est libre de le rencontrer. Et j'avais envie de rencontrer ce monsieur par une autre personne qui m'a dit « Va rencontrer cette personne qui a habité 10 ans en tipi et qui est aussi, qui vit loin des hommes, des êtres humains. » Voilà. Je me suis dit « Petit coup de téléphone, c'est parti. » Et je me suis dit « Peut-être que cette personne qui a habité en tipi et qui est loin des êtres humains va peut-être pas vouloir que je l'approche, quoi. Mais ça va, ça, je me trouve en face. Je me trouve en face de ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Et donc voilà, l'idée, c'est d'un peu partager c'est quoi cette idée de vivre en tipi. Voilà. Donc, si je comprends bien la question, c'est d'où m'est venue cette idée, c'est ça ? Oui, après c'est une question, mais tu sais, ça peut partir où tu veux aussi. Hein. Je veux dire, moi, oui, c'est une première question que je pose. C'est une question qu'on me pose en général. Oui, enfin, d'où ça t'est venu cette idée, ou pourquoi, comment, j'en sais rien. À toi de mener la danse, j'en sais rien. Ok. Là, c'est déjà tout un long sujet. Il y a des raisons, des motivations à différents niveaux. Les raisons les plus les plus accessibles, c'est que j'avais envie d'expérimenter la possibilité de vivre avec très peu de choses. Donc j'étais déjà dans cette envie d'un concept qui a été fort développé par Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Est-ce que vraiment je peux vivre avec très peu d'objets, vraiment le minimum, une façon très, très zen de vivre. Je peux dire quelque chose, parce que tu vois, dans le milieu, dans le Pierre Rabhi, pour moi, ce n'est pas vraiment la référence, ce serait d'autres références qu'un Pierre Rabhi. Parce qu'aujourd'hui, Pierre Rabhi, tu sais qu'il est vachement, comment on dit ça, il y a un article qui est sorti sur lui, toutes ces idées qui font un peu du marketing, qui font des stages, enfin voilà, c'est un peu louche tout ça, tu vois. Mais la sobriété heureuse, comme, ah, j'arrive plus à revenir sur son nom. Parce que ça date là, quoi. Enfin, c'est des gens d'avant ont réfléchi sur cette notion-là. C'est pas Pierre Rabhi qui s'est amené un jour. Avant lui, il y avait d'autres gens aussi, non, quoi. C'est lui qui en a parlé le plus et qui a fait connaître. Le concept, le plus, je crois. Mais bref, ça c'est une première chose. Et j'étais aussi fort intéressé par acquérir un maximum d'autonomie. Ça veut dire, est-ce que je peux tenter de dépendre le moins possible du système tel que le système habituel dans lequel on vit, avec un ensemble de sécurité, mais aussi un ensemble de normes auxquelles on est obligé de se soumettre, comme le fait d'avoir absolument un emploi, de passer sa vie à travailler. Et métro, boulot, dodo, moi j'ai essayé, j'ai fait l'expérience et j'ai pas aimé. Et qu'est-ce que t'as pas aimé par exemple ? Cette monotonie répétitive. Je me sentais pas vivre là-dedans. Et je voulais pas attendre 65 ans avant de me dire « Ah, maintenant je peux commencer à vivre, je voulais vivre tout de suite. » Donc ça me demandait, j'avais envie d'avoir davantage de liberté. Mais la liberté, ça s'acquiert, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Et donc je voulais réduire mes besoins financiers pour, d'un autre côté, acquérir davantage de liberté. En tout cas, ça c'était l'idée. Je réagis, hein, parce que comme ça, on suit. Ouais. Mais toi, cher monsieur, tu es un peu, comment dire, hors catégorie, parce que tu n'es plus tout jeune là maintenant, mais je veux dire, aujourd'hui, on parle plus de tous ces courants-là, hein, d'essayer de vivre autrement avec peu de moyens. Ouais. Mais à l'époque, toi, on est dans quelles années, là ? On est à la fin des années 70. Moi, j'avais 30 ans. Ouais. Et quoi, et ça t'est venu comme ça, de se dire, ah bah tiens, j'ai envie d'avoir peu de choses pour vivre simplement, sans devoir courir après ma vie. C'est quoi tes références, quoi? Parce que tu as parlé de Pierre Rabhi, mais bon, c'est quoi tes références? Tu as grandi comment, en fait, pour... Pour resituer. Ben, moi, j'ai grandi de manière tout à fait classique. Hein, donc, j'ai fait des études. À l'époque, ça s'appelait les humanités. Je voulais avoir un beau métier pour répondre aux normes de ma famille. Un beau métier, une belle maison, une belle voiture, etc. etc. Ah oui, quand même, tu avais cette maladie. Ah oui, non, j'avais cette maladie-là, mais à fond. C'était ça mon rêve, c'était ce que je voulais. Et puis, il y a eu quand même un événement qui m'est arrivé et qui a tout changé, c'est ma maladie. Tout à coup, j'ai eu un cancer. J'étais faisais des études d'architecture, ça marchait bien. J'ai été stoppé net dans mon élan par cette maladie. Et quand on s'en est aperçu, elle était déjà à un niveau très grave et en fait, j'étais condamné. Heureusement, je ne le savais pas. Et ça m'a pris 2 ans et demi de ma vie. Cette maladie, elle était omniprésente. Et évidemment, dans ces conditions-là, plus question de continuer des études. Je n'étais pas en état du tout. Les traitements, chimiothérapie, les rayons, etc., c'était extrêmement pénible. J'étais très affaibli et je me suis trouvé face à la mort. Et même si on ne m'avait pas dit que j'étais condamné, moi, je l'ai vécu. Je me sentais, dans les premières chimios qu'on m'a faites, je me sentais véritablement physiquement mourir. Et c'était ce qui se passait. Un médecin m'a expliqué plus tard. C'était exactement ce qui se passait, c'est-à-dire que les produits étaient tellement empoisonnés que on me donnait la dose maximale que mon corps pouvait supporter et il se serait trompé, ben je serais mort. Voilà. Ils en auraient mis un peu trop, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc moi j'ai vécu ça, je vivais ça chaque fois, une espèce d'agonie. C'était extrêmement pénible et ça m'a filé des angoisses de mort épouvantables, je n'en dormais plus. Et j'ai vu la mort en face. Et ça, là, j'ai fait l'expérience de la souffrance. Je n'avais pas imaginé jusque-là que la souffrance pouvait exister à tel point. Cette notion de... Pour moi, il y a un seuil où ça reste humainement supportable, et puis il y a un seuil au-delà, ça ne l'est plus. Et jusque-là, j'ignorais totalement l'existence de ce seuil, j'en ai fait l'expérience. Et d'être passé dans tout ça, ma vision de la vie a changé à 180 degrés. Quand on est face à l'amour, quand on est dans la souffrance, on n'avait plus rien à faire d'une belle voiture, d'une belle femme, d'une belle maison. Et ce que je voulais, c'était pour moi-même, solutionner la problématique de ce que j'ai appelé la condition humaine. Comment faire face à la souffrance? Comment est-ce que je peux vivre avec ça, en sachant qu'elle existe, qu'elle peut être absolument abominable? Et la mort, ben oui, c'est vrai, un jour je vais mourir. Jusque-là, ça avait été juste une idée abstraite, mais là, c'était vraiment concret. Et là, je me dis, bon, ok, je suis encore jeune, j'ai des années devant moi, je vais les consacrer à solutionner ces questions-là, ces questions vitales. Et c'est comme ça que... Mais avoir ne m'intéressait plus. C'était être qui m'intéressait. Parce que pour moi, la solution à toutes ces angoisses et à ces problèmes gigantesques, c'était développer mon être pour élargir ma perception des choses élargir ma vision du monde, ma vision de ce que c'est la vie, en me disant, bon, il arrivera un moment où je finirai quand même par trouver une ou des solutions, où ça deviendra acceptable, où ça deviendra vivable. Donc, mon but, ça a été être, et donc c'était le travail sur moi-même pour développer qui je suis, pour résoudre mes difficultés personnelles, etc. Ça a été vraiment l'axe, c'est devenu l'axe de ma vie. Donc, vivre de manière simple, ça, c'était une évidence. Je ne voulais pas... Ouais. Je te coupe parce que ça pourrait... C'est pas si évident que ça, ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire j'apprends que j'en ai plus pour longtemps de ma vie, et donc j'y vais à fond, je brûle les deux bouts, tu vois, ça peut être ça aussi, hein, ça ne va pas de soi de se dire, ah bah du coup je vais avoir une vie simple, plus proche de mon être, tu comprends ? Oui, je comprends, mais en fait je me suis peut-être mal exprimé. J'ai senti dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, la présence de la mort. Mais jamais, à aucun moment, en tout cas dans la période qui était critique, que j'étais en danger de mort réellement. Je ne le savais heureusement pas. Et après, quand je l'ai appris, j'étais en voie de guérison. Donc là, évidemment, la perspective était tout à fait différente. À aucun moment je me suis dit, ah, peut-être dans un mois je ne suis plus là. Non. Je me voyais encore avec une perspective de vie longue devant moi. Donc je voulais apprendre et expérimenter un maximum de choses. Donc pour libérer du temps et libérer du temps libre pour m'occuper de cela, alors une des solutions c'était, bon, je réduis mes dépenses, je peux vivre avec le minimum nécessaire et je voudrais expérimenter si je peux être bien avec ça, sans le luxe et sans une belle voiture, etc., sans tout ce dont je rêvais autrefois. Et donc mon désir de vivre de façon la plus autonome possible, ça venait du désir de consacrer un maximum de moyens à me développer moi, me développer mon être. Et donc pour ça, c'était réduire mes dépenses, c'était un de ces moyens. Maintenant, en même temps, j'ai eu aussi la chance de vivre une expérience extraordinaire de contact avec la nature. Et comme j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des expériences comme ça, hors normes, hors de ce qui est habituel, et comme chaque fois, ça m'est arrivé de façon complètement inattendue, mais j'ai vraiment tout d'un coup ressenti, j'étais dans la nature et je me suis mis à ressentir les choses très très fort. Et c'était tellement bon, c'était tellement extraordinairement bon que j'ai essayé de faire durer cette expérience le plus longtemps possible. Et puis, je suis revenu, je vivais en ville, je suis revenu dans la ville, dans cet état d'ouverture-là. Et là, je me suis reçu la ville comme une gifle. Le bruit, les odeurs de gaz d'échappement, l'agitation, le stress... la laideur de certains endroits, tout ça, évidemment, je le ressentais beaucoup plus fort que d'habitude. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais je perds ma vie, et si je perds mon temps, qu'est-ce que je fais ici? Il y a tellement de merveilles dans la nature, je vais vivre dans la nature. Et donc, aussi, ma vie en Tipi, ça venait de là. C'était le désir de vivre dans la nature et d'essayer de retrouver des moments de grâce extraordinaire comme celui que j'avais vécu là-bas. Donc voilà, il y a des raisons à différents niveaux. Une autre raison aussi, mais ça c'est venu en cours de route. Parce que le tipi, ça n'est pas venu tout de suite. Je pensais d'abord à une cabane au coin d'un bois. Et puis j'ai vite découvert que les lois en Belgique et toutes les... les questions administratives n'étaient pas vraiment favorables à ce qu'on s'écarte de la ligne officielle. Et on m'a dit, ouais, mais non, là, tu vas voir les flics sur le dos et ça va pas aller. J'ai dit, ah ouais, ok. Bon, bah, alors on habite un nomade. Parce que si on vient m'embêter, je dois pas démolir ce que j'ai fait. Simplement, je démonte, je replie et je vais un peu plus loin. Et c'est en consultant un livre sur les habitats nomades que le tipi, je trouvais ça bien. Ça avait l'air simple, mais en réalité ça ne l'est pas, mais dans le livre ça en avait l'air, ça m'a plu. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que c'est un habitat qui est, dont tous les éléments constitutifs sont des symboles par rapport à l'univers. Donc j'allais vivre dans un habitat qui a du sens par rapport à la nature tout autour et à l'univers. Ça pour moi, c'était un plus. Et puis, je me suis intéressé aux Amérindiens, puisque c'était l'habitat traditionnel d'une partie des Amérindiens. Et jusque-là, avant ça, tu n'avais aucune notion des Indiens, si ce n'est les cow-boys et les Indiens. Enfin, tu n'avais aucune notion de rien. Quand j'étais enfant, quand je jouais aux cow-boys et aux Indiens, je voulais toujours être un Indien. Ah ouais, quand même. Et pourquoi? Parce que c'était l'image contraire, hein. C'est surtout le blanc qui est bien, qui est brave, l'Indien c'est le sauvage, le méchant. Oui, moi ce côté sauvage, ça me plaisait bien. Je le voyais plus libre que l'autre, et je trouvais que les autres, ils n'étaient pas si gentils que ça. Hein. Et qu'en fait les Indiens, déjà moi enfant, je m'étais rendu compte que les Indiens, ils étaient chez eux, et qu'on venait les emmerder chez eux, et les chasser de chez eux, et je trouvais ça pas sympa du tout. Et après ça, après ma maladie, j'avais lu 2-3 bouquins comme ça qui m'étaient passés. J'avais trouvé ça le sujet intéressant, mais sans plus à côté d'autres bouquins. Mais ça m'avait intéressé, mais pas au point de me passionner pour le sujet, non. C'est une fois installé dans le tipi, je me suis dit, ah oui, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Et voilà, je me suis documenté. Et plus je me documentais, plus je trouvais leur façon de voir la vie, de voir les choses, en tout cas dans bon nombre de sujets, ça me parlait beaucoup. Et ça m'a aussi donné des clés pour approcher la nature. Puisque mon but en venant habiter ici, en débarquant avec mon tipi, c'était de me rapprocher de la nature, de développer ce contact avec la nature. Alors oui, c'est vite dit, développer le contact avec la nature, mais je n'avais pas le mode d'emploi, évidemment, il n'y en a pas vraiment. Et donc c'est par l'expérience, ça est venu, la chance aussi de vivre de très beaux moments dans la nature. Comme quoi, par exemple, Jacques? Je l'enlèverai. J'ai dit Jacques, j'enlèverai. Non, t'inquiète, je tiens, là, t'inquiète. C'est pas grave, tu peux le laisser. Par exemple, ce qui me vient de suite, c'est le tipi au départ, c'est de la toile de coton toute blanche. Et on était, j'ai démarré l'hiver, il faut jamais faire ça. C'était de la folie, mais je l'ai fait. Je me mettais au lit. Il y avait la pleine lune. Et la pleine lune donnait à travers les branches d'un arbre qui était juste derrière le tipi. J'ai éteint ma lampe. Et puis il y avait cette lumière de la pleine lune qui dessinait toutes les feuilles des arbres sur la toile blanche du tipi, et c'était une merveille. Et en même temps, il y avait une atmosphère dans ce tipi, comme j'avais trouvé parfois dans des petites églises romanes, je ne sais pas bien expliquer, une atmosphère de recueillement, une atmosphère de grande paix. Et il y avait quelque chose de magique, je ne sais pas expliquer avec des mots, mais j'ai vraiment été pris et saisi d'émerveillement. Voilà. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres où je peux en raconter. Oui. Moi j'aime bien. Ouais. Oui, parce qu'on est tellement peu connecté de moins en moins à cette nature. Évidemment, pas tout le monde, hein, mais c'est quand même la vision urbaine qui domine dans ce monde-ci. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, je suis d'accord avec ça. J'avais reçu... Ben, la vie m'a permis de rencontrer des Amérindiens. Pendant toutes ces 10 ans de vie en tipi, moi, j'ai jamais été aux États-Unis. Ce sont les Indiens qui sont venus chez moi. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai participé à la course sacrée pour la terre et la vie aussi. J'ai couru avec eux jusqu'en Mongolie. Là, j'ai eu beaucoup de contacts. Et donc, j'avais reçu un rituel pour parler avec un arbre. Avec toute une symbolique. Mais aussi, ça faisait beaucoup appel au ressenti. Donc, ça veut dire, c'est pas parler à un arbre, c'est parler avec. Ça veut dire que lui, il répond à sa manière. Je peux lui poser une question et s'il veut, s'il ne veut pas toujours, il me répond. Et j'étais parti faire ça de nuit. Et ici, moi j'aime beaucoup, il y a des oiseaux que je ne sais pas, je les aime beaucoup. Je me sens relié à eux d'une manière ou d'une autre, comme la buse, le milan, ou la chouette, le hibou. Et dans cette région, il y a une chouette qu'on appelle la chouette de Tegmalm, qui est un cri très particulier et très mystérieux, et j'adore. Et j'étais parti la nuit faire ce rituel autour d'un arbre, et la chouette de Tegmalm était là, elle ululait, et ça c'était formidable. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais commencé à faire ce rituel à l'envers. Alors je me suis dit, zut, je dois tout recommencer. Puis c'était tellement tard, j'étais fatigué, je dis non, j'ai pas le courage. Alors je rentre au tipi. Et quand je suis arrivé au tipi, la chouette de Tegmalm était juste derrière le tipi et elle ululait, alors qu'elle n'était jamais venue jusque-là auparavant. Et ça, c'était... Là aussi, j'ai été saisi d'émerveillement. C'était magique. Et je crois, mais ça, c'est mon interprétation, évidemment. Là, c'est moi, mon interprétation d'homme... Avec son mental d'humain, je lui ai dit, tiens, peut-être elle est venue me dire que si j'avais commencé à l'envers, c'était très bien de continuer jusqu'au bout à l'envers, mais voilà. Ouais. Ou un jour, j'ai senti mon cœur, je faisais, de nouveau, c'était dans ce rituel-là, et là, c'était en journée, et j'étais assis, le dos à l'arbre, il y avait une petite fleur, là, juste devant moi, et à un moment, j'ai senti mon cœur battre dans la fleur. Et ça, c'était fantastique aussi. Sans rien prendre. Jamais. De produits chimiques, je veux dire, ou de... Parce que souvent, on entend des histoires comme ça, hein, avec des gens qui prennent des produits, quoi. Oui. Alors, ok. La toute première expérience que j'ai faite, c'était en 1978. C'est là où j'ai eu cette toute première expérience extraordinaire avec la nature, où tout s'est ouvert en moi. Ça s'est passé sur la côte d'Opale, sur les falaises du Cap Blanc-Nez. Et j'y ai passé 3 semaines. Et je suis arrivé au début avec une substance. Et effectivement, je ne m'en privais pas au début. Et puis, je suis tombé à court. Et cette expérience m'est arrivée un bon bout de temps après que je sois tombé à court. Et j'ai vraiment pu expérimenter la différence qu'il y a entre une perception sous influence et une perception où il n'y a aucune influence. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus... C'est comme si la substance, elle mettait un filtre. Ah oui, c'est magnifique ce qu'on voit, mais c'est à travers un filtre. Quand c'est sans rien, il n'y a plus de filtre. Et c'est beaucoup plus extraordinaire encore. Donc à partir de là, moi, j'ai complètement arrêté. Donc toutes les expériences que j'ai eues après n'ont absolument rien à voir avec aucune substance, de quelque nature que ce soit. Voilà, quelques expériences, j'en ai plein. Alors j'en reviens à la question de départ, pour quelle raison ? Pour quelle raison quoi ? Parce que là on est... Pour quelle raison j'ai décidé de vivre en tipi ? Oui, mais moi je fais vite une petite parenthèse avec ce que tu viens de dire. Ouais. J'ai envie de dire... J'ai perdu toutes les comment je dirais les sensations que tu as eues comme ça, les ouvertures dans cette nature. Comment ça se fait ça? T'expliques ça comment? Je l'explique pas. C'est une chance. C'est une chance que j'ai eue. Ça m'est tombé dessus. Oui, je c'est à toi, d'accord. On est d'accord que ça t'est tombé dessus, mais quoi? Ça voudrait dire qu'on a tous ça veut dire que quoi, quand on est en contact avec la nature, eh bien, je veux dire, je crois pas que c'est, ou bien peut-être que oui, ça t'est arrivé à toi, et ça pourrait arriver à personne d'autre, ou alors à quelques personnes privilégiées. J'ai pas dit ça. Non. Je crois que ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est quoi ça, et comment ça se fait? Ça veut dire qu'on est tellement déconnecté de tout ça qu'on ressent plus rien, en fait. T'expliques ça comment, en fait, ces sensations, cette ouverture, cette énergie comme ça que tu as vécue Moi, je pense que le grand. Un des grands obstacles, c'est notre mental. Notre éducation, elle est basée à 90, je ne sais pas combien de pourcents, mais sur le développement du mental. Or, nous ne sommes pas que du mental. Nous sommes aussi une part émotionnelle, une part affective, une part sensitive. On a aussi, bien sûr, le raisonnement logique, mais on a un cerveau qui peut aussi fonctionner avec le raisonnement analogique. C'est pas la même chose. Le raisonnement analogique est déjà plus proche de ce qui est sensitif. Donc, voilà, nous ne sommes pas faits que d'un élément. On a un corps, on l'oublie trop. Le mental nous coupe du corps et du senti. Mais déjà, dès le début de l'éducation, hein, dès le début de l'école primaire, on apprend quoi? À rester assis pendant des heures, sans bouger, alors que ça, c'est déjà pas naturel du tout pour des enfants. Et tout ce qui est de l'ordre de l'expérience, du senti, etc., c'est délaissé au profit de, oui, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à calculer, il faut apprendre à réfléchir, il faut apprendre à raisonner, etc. C'est très bien, c'est bien sûr, c'est nécessaire, mais pas que. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et je pense que une des raisons de notre déconnexion avec la nature, elle est là. Dans le fait qu'on a appris, nous avons appris à développer nos facultés mentales au détriment du reste. Mais ça peut se retrouver. D'ailleurs, j'avais mis au point, il y a quelques années, un atelier sur le contact avec la nature. Donc donner la possibilité de peut-être retrouver ce contact un peu plus, ça on peut pas le décider à l'avance, parce qu'une des grandes règles, c'est justement de ne pas vouloir, ne pas chercher à obtenir un résultat. C'est l'observation, c'est donner une intention et puis observer sans attente si quelque chose se passe ou non. Ça, c'est le départ. Être dans la nature, quoi, en fait, entièrement être dans la nature. Oui, c'est d'abord. Et pour être dans la nature, il faut d'abord être. Oui. Donc je pense que. Oui, c'est. Chaque personne a ce potentiel-là. Oui, c'est ça la question de départ. Tiens, mais oui, on a tous ça en nous, mais. Peut-être il y a des gens qui sont déjà plus ouverts, d'autres plus fermés, enfin voilà, mais... Oui, mais c'est comme avec le dessin, je veux dire, il y a des personnes qui dessinent spontanément, et il y en a qui doivent l'apprendre, et il y en a qui l'apprennent plus facilement que d'autres, mais, in fine, tout le monde peut y arriver, ouais. Oui, j'ai envie de faire un petit parallèle. Tu parlais du mental qui prend beaucoup de place, mais aujourd'hui encore plus, non? Aujourd'hui, c'est comme si nos corps n'existaient plus, hein, avec, je pense, les smartphones, Internet, où on est assis des plombes, tout ce travail assis dans les bureaux. Enfin, ça prend, ça a doublé le volume du cerveau, je crois. Là, c'est encore plus lourd qu'avant, quoi. C'est encore plus lourd qu'avant, oui. Oui, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment ça se fait, ça, selon toi, évidemment, comment, pourquoi ce mental, on ne peut pas dire que c'est du hasard, quoi. Enfin, moi, j'aurais envie de dire que ce n'est pas du hasard, quand même. Il y a une volonté que ce mental prenne beaucoup de place. Non ? Tu ne le traduis pas comme ça ? Oui, bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est très, tout à fait personnel. Moi, je pense que c'est rassurant. C'est un peu comme une drogue. Ça permet de vivre dans un monde artificiel où on évite les grandes angoisses existentielles, je crois. Internet, tu parles, les smartphones, la technique ? Le développement du mental dans son ensemble, que ce soit par Internet ou autre. Moi, je crois que ça fait écran entre la vie et nous, parce que la vie, elle a des côtés angoissants, très angoissants. Et ça fait partie aussi de ce qui est inévitable, c'est d'y être confronté à un moment et de les traverser. Et c'est pas facile du tout. Et je pense que se réfugier dans le mental ou dans des mondes virtuels, dans des mondes imaginaires, c'est pour ne pas sentir. Mais là, oui, j'ai envie de dire que dans le virtuel, des fois, je pense aux jeux vidéo. Ça te fait quand même avoir peur, ça te fait avoir du plaisir, ça te fait... Enfin, tu vois, je crois que c'est plus compliqué que ça, quand même, quoi. Mais évidemment, je comprends bien que le mental, là, je comprends parfaitement ce que tu dis, le mental prend tellement de place parce que ça rassure, on a envie de se dire dans la tête, oui... Enfin, on se raconte des histoires, quelque part, quoi. C'est ça, pour être moins touché. Oui, oui. Je pense que les peurs qu'on peut ressentir dans ces niveaux-là, ou en regardant des films d'horreur ou des films qui font peur, des choses comme ça. C'est une peur qu'on peut contrôler. Tandis que la vraie peur, on la contrôle pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une peur qu'on peut contrôler, qui est cadrée en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et ce serait quoi, par exemple, une peur, une vraie peur ? Celle que j'ai eue quand j'ai vu la mort devant moi. Je n'en menais pas large. C'est vertigineux. C'est paniquant. Mais je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. Ça dépasse les mots. De voir sa mort, c'est paniquant. Je sais que c'est bête ce que je dis, mais ah oui. Il y a des gens qui cherchent la mort, hein, ou qui vivent toujours un peu à l'état de limite comme ça, entre qui frôlent la mort. Tu vois, pour moi, ça va pas de soi que ce serait genre la mort, la peur suprême, quoi. C'est la mort et la souffrance. Pour moi, ça va ensemble. Je crois que les expériences où on frôle volontairement la mort, c'est un peu une illusion de la contrôler. Mais... Et ça agit comme... comment je veux dire ? In fine, ça permet d'endormir l'angoisse qui est à la base de la souffrance et de la mort. C'est encore une fois, c'est un écran. Mais ça, c'est mon avis, tout à fait personnel. Mais qu'est-ce qui est écran, là ? J'ai perdu le fil. Mais le fait de prendre des risques, où je risque de m'écraser la figure, je sais pas moi, en voiture, sur un arbre ou sur quelqu'un d'autre. Oui, je roule super vite, exagérément, ouais. Et ouais. Chaque fois je me fais des sensations. Ouais. Pour toi, c'est mettre un écran. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est l'illusion que je contrôle la mort. Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas à quoi ? Ça n'aide pas à lui faire face quand le jour où elle sera vraiment là. Oui, et puis est-ce que tu peux entendre qu'il y en a qui tiennent pas plus à la vie que ça, hein, aussi, tu vois, la mort n'est pas quelque chose que tout le monde a de suprême. Je suis d'accord de dire qu'on est dans un monde où on repousserait la vieillesse, hein, la vieillesse on veut pas la voir et la mort surtout pas, tu vois. On en arrivera à faire croire aux gens qu'avec la technique, la mort ne va plus exister. Tu te rends compte ? Ouais. J'y crois pas. Mais la question, c'est ? Non, on parle ensemble, on réfléchit de cette mort, que c'était pas. Tout le monde ne pense pas que la mort c'est quelque chose de qui fait très très peur. Oui. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, si tu es d'accord avec cette idée-là, que tout le monde n'a pas peur de la mort quand même. Je suis d'accord, je le répète, hein, qu'il y a une majorité quand même de gens qui ont peur de la mort, c'est vrai. On la repousse, on ne veut pas voir qu'on vieillit. On ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Tant qu'on ne l'a pas vraiment ressenti, ça reste une idée, un concept. Alors avec les concepts on peut s'arranger. J'ai peut-être pas raison, hein, je ne sais pas. Ah, mais on cherche pas à avoir raison, on cherche à partager nos expériences. D'accord. Mais revenons à ton tipi. 10 ans de tipi, c'est quand même balèze dans une vie, non ? C'est bien, c'est 10 ans, 10 merveilleuses années. C'est les 10 plus belles années de ma vie, je crois. Ouais. En contact alors avec cette nature dans une vie simple. Oui. Alors j'y vivais seul, mais j'étais jamais seul. Au début, oui, la première année, oui. Mais c'était volontaire, c'était voulu. C'était pour être face à moi-même et face à mes difficultés en ayant le moins possible de faux fouillons. Vraiment d'être dans l'obligation d'affronter mes difficultés et de les surmonter. Après, le contact avec la nature, c'est pas venu comme ça en un clin d'œil, c'est venu petit à petit. Mais je me sentais plus seul. Et depuis, quand je suis dans la nature, je me sens jamais seul, je me sens chez moi. Je dors la nuit dans les bois, à la belle étoile. Mais je me sens super bien, je me sens chez moi. Au début, avant que je vive en tipi, aller seul dans les bois la nuit, je ne me sentais pas à l'aise. Mais maintenant, depuis longtemps, c'est super chouette. Qu'est-ce que tu sens ? Pourquoi tu ne te sentais pas à l'aise ? Je dis pourquoi, mais en même temps, je crois que... On a tous peur de dormir en forêt, on entend des bruits qu'on ne connaît pas. C'est ça, ouais. On imagine des tas de dangers imaginaires. Et quoi, toi, tu rassures en disant il n'y a pas de souci ? Mais ici, alors, évidemment, je me fonds dans la nuit. Je n'utilise pas de lampe, je marche sans bruit. Et à l'endroit que je choisis pour dormir, personne ne sait que je suis là. Donc on ne va pas venir m'embêter si personne ne sait que je suis là. Et on ne peut pas le savoir, puisqu'il n'y a rien qui manifeste ma présence. Des animaux dangereux, il n'y en a pas. Le sanglier peut être dangereux quand une mère, une lait, si je suis entre son petit et elle, oui, ça c'est dangereux. Mais la nuit, ça ne va pas m'arriver. Parce que le sanglier, il va sentir ma présence et il va faire un détour pour m'éviter. Quoique, les sangliers de nos jours, ils doivent être bizarres. C'est vrai. Il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment dû faire du bruit pour qu'ils daignent faire un détour pour m'éviter. Je me suis dit, mais ils renversent tout, hein, ils fouillent. C'est comme les... Comment je dirais, comme des bulldozers qui creusent le sol et renversent tout, les pierres, les souches, tout le bazar. Je me dis, mais ils vont me renverser s'ils continuent comme ça en même temps. Alors, j'ai fait du bruit, mais trois fois. Et chaque fois, ils se rapprochaient davantage. Je me dis, mais normalement, ils sont plus créatifs que ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la troisième fois, ils ont quand même daigné faire un détour. Ouais. Mais ils n'étaient vraiment pas créatifs du tout cette fois. Mais sinon, de danger, quoi. Le danger, ça peut être un braconnier qui me prend pour du gibier et qui me tire dessus. Ça, c'est vrai. C'est ça, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Quoi, t'as déjà vécu ça? J'ai déjà été en situation où j'entendais un coup de feu pas loin et il y a une balle qui passait pas loin, oui. Mais c'était pas la nuit, c'était en pleine journée. Je ne dors pas sur un chemin, parce que sinon il y a une Jeep qui risque de me rouler dessus pendant la nuit. Donc, objectivement, de danger, il n'y en a pas. Hein. Des serpents dangereux, oui, il y a bien quelques vipères, mais elles vivent dans les pierres, dans les endroits, ou soit les endroits très humides, ou bien entre des pierres. Moi, je ne dors ni dans les endroits humides, ni dans les endroits où il y a des pierres. Donc... objectivement, du danger, il n'y en a pas, ou très peu. En Belgique, quoi, les animaux. En Belgique, bien entendu, en Belgique, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais. J'ai perdu le fil de la conversation. Oui, ben on parle de ces années typiques, quoi. Hein, tu dis que c'était les plus belles années de ta vie, ouais. En tout cas pour le moment. Oui, oui, oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais. Et ce qui était bien aussi avec le Tipeee, c'est que j'étais d'une certaine manière obligé de développer le contact avec la nature. Sinon, il pouvait y avoir des effets très désagréables. Par exemple, j'ai appris à deviner le temps qu'il allait faire au niveau de la météo. J'ai eu aussi un vieux paysan du coin qui m'a appris pas mal de choses à ce moment. Des signes de la nature qui montrent comment le temps va évoluer, s'il va pleuvoir ou pas. Mais un tipi, dans un livre, c'est très simple. Dans la réalité, c'est très compliqué, très complexe. Et ça peut vite devenir galère. Quoi, à monter, tu parles, ou bien... À vivre dedans. Ah bon? Ah ouais, ouais. Ah oui. Et je me suis rendu compte que c'était le résultat de siècles d'observation et d'expériences, d'essais, et que ça a été mis au point petit à petit. Et il y a des tas de petits trucs techniques qui ne sont décrits dans aucun bouquin. Si on ne les connaît pas, alors, sauf... Si on est en plein été, une belle journée de soleil comme ça, il n'y a aucun problème. Mais sinon, ça peut vite devenir très, très désagréable. Par exemple, d'abord le montage, c'est assez compliqué parce que le tipi n'est pas rond, il a la forme d'un œuf. Et donc l'inclinaison des perches, il y a une inclinaison qui doit être précise et elle est différente d'une perche à l'autre. Et là aussi, je veux dire, c'est tout un art pour le monter correctement, que je ne connaissais pas. Donc le mien, il était très mal monté, c'était un peu comme la tour de Pise. Et résultat, il pleuvait dedans. C'est normal, il pleut dans un tipi. Mais ce qui est normal, c'est qu'il pleuve sur le centre du tipi et un peu autour, mais pas au-delà. Le mien, il pleuvait absolument partout. comme j'étais arrivé en plein hiver, il gelait. Le sol était bien dur, tout gelé. Tant qu'il gèle, tout va bien. Mais en mars, dégèle, enfin il y avait 0 degré. Le sol s'est mis à fondre. Je n'avais rien mis sur le sol. Mais le sol bien gelé et bien dur, c'est dégelé, ça devenait de la boue. Et puis il s'est mis à pleuvoir. Alors je me souviens, je me suis réveillé à 3 heures du matin, trempé. Il y avait 0 degré. Au milieu du tipi, on fait un trou pour faire le feu. Le trou était rempli d'eau. Et je pataugeais dans la boue, j'étais trempé, je ne savais pas faire de feu, il y avait 0 degré. J'étais pas fier. Ben, c'est les soucis du débutant, quoi. C'est les soucis du débutant, oui. Alors, il m'a fallu 2 ans d'expérience, d'essais et erreurs pour arriver à maîtriser la pluie à l'intérieur du tipi. Jusque-là, chaque fois que je voyais la pluie arriver, je me dis ah, au secours, qu'est-ce qui va encore être trempé aujourd'hui, quoi. Et surtout les orages. Et ce sont des petits trucs techniques que j'ai dû réapprendre par moi-même. Et aussi un peu parce que je connaissais d'autres gens qui vivaient aussi en tipi, même pas toute l'année comme moi, mais enfin, qui eux avaient trouvé telle astuce. Et puis, ah, moi j'ai trouvé ça, tiens, hein, et en échangeant avec d'autres, j'ai fini par, après 2 ans, être suffisamment au point techniquement que pour me dire maintenant ça va, je me sens à l'aise dans le tipi, n'importe quel temps qu'il fasse, ça va. Je devais donc, avant ça, j'avais appris à sentir et à pouvoir prédire le temps avec 90% d'exactitude. Savoir s'il allait pleuvoir ou non. Quoi, en regardant le ciel? En regardant le ciel, au niveau de, c'était du senti, la direction du vent, les sortes de nuages. Quels nuages sont dans le ciel, tiens? Et la lune aussi. Si, comment, est-ce qu'elle forme des dessins dans le ciel avec les nuages ou pas? Est-ce que l'herbe est humide? Est-ce qu'il y a de la rosée? Est-ce qu'il n'y en a pas? Des choses comme ça. Et pour vite aller grimper avec une échelle, pour tendre une bâche au-dessus de toutes les perches du tipi pour pas qu'il me pleuve dessus pendant la nuit. Mais je devais aller la défaire parce que j'avais un très mauvais tirage avec cette bâche, donc le lendemain, dès qu'il n'y avait plus de pluie, j'allais l'enlever pour ne pas être trop enfumé dans le tipi. Et voilà, je devais jouer avec des choses comme ça. Ben oui, j'imagine et... bien qu'à la longue, tout ça. Mais tu disais aussi, parce que moi ça m'intriguait plus, que évidemment j'imagine bien que quand tu as du coup la montée, tu as eu des soucis et puis que c'est avec le temps que tu es devenu super bon. Mais tu disais aussi que à l'intérieur du tipi, c'était pas si évident que ça. Et là, je comprends moins parce que l'intérieur du tipi, ben, y a rien. Enfin, je veux dire, c'est rond. Tu vois, c'est ça. C'est rond et ça a une forme oblique. Alors, jusque-là, comme la plupart des gens, j'avais vécu dans des espaces carrés ou rectangulaires, avec des meubles pour ranger les choses. Un espace rond et qui a une forme conique, on ne sait pas ranger les choses comme on est habitué de les faire. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Ah, mais ça, c'est un petit problème, ça, non? Oui, c'est un petit problème. Ok, ok. Le problème, c'était surtout la pluie, l'eau, est-ce que tout va être trempé? Parce que j'avais rien d'autre, hein, j'avais pas de maison. Si tout est trempé en hiver, moi je dois dormir là-dedans, quoi. J'ai aucun endroit où le faire sécher. Tu peux pas le faire sécher en hiver, il n'y a rien qui sèche ici. rien du tout. Tu dois faire du feu pour faire sécher. Mmh. Et donc, j'avais... Enfin, si, une fois, la fois où je me suis réveillé à 3h du matin, là, j'étais trempé et je grelottais. J'étais me réfugier chez des copains, mais... Mais bon, ça, c'était exceptionnel, quoi. Mmh. Ouais, tu veux dire que t'avais pas de plan B, c'était vraiment ta vie, quoi. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Et le vent, la direction du vent, les oreilles du tipi doivent être orientées suivant la direction du vent. Même la nuit, il faut les orienter d'une manière particulière, suivant la direction du vent. Donc il faut aussi prévoir, est-ce que le vent va changer pendant la nuit ou pas. Mais comment tu prévois ça? C'est du senti. C'est incroyable. Là, tu m'épates. Hein. Et parce que si je me trompe, et ça m'est arrivé, bien entendu, en hiver, il gèle moins 15, j'ai un vent glacé qui me passe dessus, sur mon lit, sur ma figure, sur mon lit. C'est très désagréable. Si j'y sont réglés correctement, je n'ai pas ce vent glacé. Mais ça a l'air d'un détail, mais quand on est dedans, ça change la vie. Et tiens, ami, est-ce que ta manière de vivre, donc, tu dis ? Donc, attends, je voulais dire, donc, je devais avoir ce contact avec la nature, ne serait-ce que pour savoir prévoir le temps, la direction du vent, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas, pour que ma vie soit plus ou moins confortable à l'intérieur. C'était obligatoire. Oui, oui, là, ça, c'était bien, parce que, étant comme tout être humain, parfois un peu paresseux, je ne pouvais pas me permettre d'être paresseux, là, je ne pouvais pas. Ouais. Ça a quelque chose d'intéressant, justement. Tu ne peux pas te permettre d'être paresseux ou de laisser aller, parce qu'après, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même aussi. Exact. Oui, oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive, c'est pour ta pomme aussi, ah, non oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ça donne une certaine vision du monde aussi, non oui. Ah oui, j'ai à prendre mes responsabilités et à assumer. Ouais. Ouais. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part, quoi. Ah non. Du coup, ça, c'est sûr. Ouais. Et tiens, parce que j'avais aussi tiqué sur cette idée quand on m'a présenté à toi, c'était de dire que c'est un monsieur qui vivait aussi un peu loin des hommes, loin des êtres humains. Qu'est-ce que tu es d'accord avec cette formule ou pas, ou comment ça te parle? C'est vrai et c'est faux, à la fois. Bon, ici... Voilà, je suis dans un endroit, il n'y a personne. Je suis hors des sentiers touristiques. Je peux passer des jours sans voir le moindre être humain si je reste ici. Et par contre, il y a des périodes où il y en a tous les jours. Ici ? Ah ouais. Ah bon ? Ah ouais. Ma dernière année en tipi, l'été, il n'y a pas eu un seul jour où j'étais seul. Pas un. J'avais de la visite tout le temps. Et à la fin, j'avais de la visite même en hiver. Il faut être motivé pour venir ici en hiver, surtout dans un tipi. Mais j'avais même de la visite en hiver. Et à un moment donné, j'ai dû même prendre une petite tente où il faisait bon aller dormir à la Belle Étoile un peu dans le bois pour avoir un peu de solitude, parce que tellement il y avait du passage ici. Quoi, les gens venaient te voir, toi Oui, ils venaient me voir. J'ai rarement eu des gens qui venaient par curiosité. J'ai eu un quart de Hollandais une fois, mais ça n'est arrivé qu'une fois, heureusement. C'est vrai? Ouais, ouais. Et là, je les ai poliment demandé de... s'en aller. Mais sinon, chaque fois, c'était des vraies rencontres. C'est des gens qui venaient pour me voir, qui venaient pour partager. Et j'ai vécu ici de très très bons moments de rencontre. C'est paradoxal, dans le sens où avant, j'habitais dans une ville. Et dans la ville, j'ai rencontré des gens tout le temps. Mais les gens que j'ai rencontrés ici, je connaissais beaucoup plus de monde en vivant ici, seul, que quand je vivais en ville. Et ici, c'était des vraies rencontres, vraiment. Oui, quand tu dis ici, c'est dans la nature, quoi. Oui. C'est des gens qui venaient parce que ça les interpellait, ça les intéressait, Et on échangeait. Ils me racontaient leur vie, moi je leur racontais la mienne. Et c'est eu des très très très chouettes moments. Et puis il y a eu la course sacrée pour la terre et la ville. Quand les Amérindiens sont venus ici, ça c'était absolument formidable. C'était le plus grand moment de ce terrain. C'est quoi en quelques mots? Alors la course pour la terre et la vie, c'est une initiative d'Indiens d'Amérique du Nord, des États-Unis. Et ce sont un cercle d'anciens qui a eu cette idée. Je pourrais en parler longuement, mais je vais essayer de résumer. Et l'idée, il y avait deux idées à la base. C'était c'était de faire le tour du monde en courant pour, d'une part, faire connaître leur situation là, qui est extrêmement dure, parce qu'eux vivent au cœur du capitalisme et quand on connaît leur histoire, c'est terriblement dramatique et ça l'est encore aujourd'hui. Et malgré ça, ils parviennent à survivre dans des conditions terribles, épouvantables. Il y en a une poignée qui réussit à préserver la tradition, leur culture. Et bon, c'était aussi l'idée de un peu faire connaître leur situation là-bas, en Amérique, de faire connaître ça un peu partout dans le monde, dans l'espoir de trouver des soutiens aussi à l'étranger. Mais il y avait aussi un aspect spirituel, c'était courir comme on fait une cérémonie de guérison pour la terre. Et chez eux, la spiritualité, ça passe beaucoup par le corps. Donc c'est vraiment c'est donner de soi, c'est la notion d'effort physique ou la notion d'épreuve physique qu'on traverse avec une intention claire en tête qui était voilà, je cours, c'est dur par moments, mais je morfe sur ma chic et je continue. Et c'est comme pour eux, c'est ça, prier. C'est une prière pour la terre mère. Et en 1990, j'ai été contacté pour participer à l'organisation de leur passage en Belgique. J'ai accepté, j'ai fait ça. Et donc, à cette occasion, j'en ai rencontré personnellement. Et puis, ça m'a donné l'idée, l'envie d'aller courir avec eux. Ce que j'ai fait 2 ans plus tard. Et là, à partir de 1991, il y a un de ces Indiens qui est arrivé ici, qui a débarqué ici. Donc de la course que j'avais connue, là, il est venu ici. Et lui, il venait s'établir en Europe. Il s'est établi à Aix-la-Chapelle. Et donc, c'était facile pour lui de venir ici. Il venait très souvent. Et il a introduit la hutte de sudation ici. Et puis j'ai été courir avec lui en 92. Et je lui ai demandé s'il était d'accord de m'enseigner. Et il a accepté. Donc j'ai reçu de lui un enseignement pendant 10 ans. Ce qui fait que ça m'a donné l'opportunité de moi-même finalement guider aussi des huttes de sudation. Et en 91, ils sont venus se préparer ici. Donc avant de se mettre à courir, il y a 4 jours de préparation. Donc ils font les cérémonies des huttes de sudation 2 fois par jour pendant 4 jours. Et c'est la préparation spirituelle pour la course. Alors il y avait une centaine de personnes, il y avait des gens de peu partout dans le monde. C'était formidable, il y avait une ambiance extraordinaire. Et je voulais aller courir avec eux en 91, mais j'ai eu des problèmes de visa et ça n'a pas pu se faire. L'année suivante, oui. Et ça, c'est la plus belle expérience de ma vie, ça, c'est cette course. Ouais. J'étais jusqu'en Mongolie. Ah ouais? Ouais. C'était une course relais. Ouais. Là, en 92, la course, elle a fait 4500 km. Mais je n'ai pas couru 4500 km en se relayer. Mais c'était dur, mais c'était formidable, vraiment. Quoi, ça a apporté ses fruits ? Par rapport à la guérison de la Terre et à essayer de faire changer les mentalités, je ne crois pas. Un petit peu. Un petit peu. C'est vrai que maintenant on parle de respect de l'environnement, alors qu'à l'époque, c'était une très très petite minorité qui se risquait à en parler. Mais même dans les médias habituels, on l'évoquait fort fort fort peu. Tandis que maintenant, oui, c'est devenu un sujet largement répandu. À la mode même, hein. À la mode, hein, même. À la mode, oui. Ouais. Mais malheureusement, la prophétie Hopi, elle a pris la mauvaise direction, quoi. C'est laquelle, la prophétie Hopi ? Alors, cette course était aussi en rapport avec cette prophétie Hopi. Les Indiens Hopi, c'est un peuple d'Indiens sédentaires qui vivent sur des mesas en Arizona, je crois. Des mesas ? Les mesas, ce sont des montagnes plates. Donc, ils vivent sur ces espèces de plateaux. Ce sont des plateaux, ils vivent sur ces plateaux. Et ce sont, en tout cas, eux, parmi les quelques peuples qui ont le mieux pu conserver leur tradition. Et chez eux, il y a une prophétie qui est très très très ancienne, qui date de plusieurs siècles d'après ce qui m'a été dit, qui remonterait avant l'arrivée des Espagnols en Amérique, et qui d'ailleurs annonçait cette arrivée. Cette prophétie Hopi aurait annoncé les deux guerres mondiales, elle aurait annoncé l'explosion de des bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima, et elle, en 1990, d'après cette prophétie, le monde est arrivé à un endroit où il y a deux voies, une espèce de Y. La voie de droite s'amène vers une transformation de la vie pour aller vers davantage de respect de la nature. La voie de gauche, elle va vers une transformation, mais par la destruction. Et en 1990, un des messages de la course, le message principal, c'était il est temps de commencer à changer de vie, il est temps de commencer à respecter la terre, à respecter l'environnement, parce qu'on est à cet endroit-là où il est encore possible, les deux voies, le choix est encore possible. Mais il n'y a que quelques années pour se décider à le faire, après ce sera trop tard. Et évidemment, la course portait cet espoir que le choix le plus harmonieux puisse être fait. C'était aussi un des buts de cette course, c'était d'essayer de sensibiliser les gens rencontrés à l'importance de respecter la terre, de respecter l'environnement, en espérant un changement de société s'en suivrait. Mais là, on voit déjà les effets du réchauffement climatique qui s'enclenchent. Moi, je me dis, là, non, on est parti sur la voie de gauche. Et... ouais, c'est clair, là. Ouais. Et tiens, on pourrait terminer là-dessus. Après, ça ne nous empêche pas de discuter hors micro. Moi, j'ai de la chance. C'est de... Comment est-ce que tu vois, justement, cette terre, ce monde justement, avec la discussion que tu viens de dire, là, comment tu vois les choses, toi, avec ta vision d'être comme ça, très en phase avec la nature? Comment c'est quoi ta vision du futur, quoi? Ah ouais. C'est un grand point d'interrogation. Moi, je pense qu'on va, on va droit dans le mur, vers un effondrement. Et ça peut arriver très brusquement. Le simple fait que maintenant le commerce est fondé sur ce qu'on appelle le flux tendu, ça veut dire que les magasins ne font plus de stock. Et puis, autrefois, quand j'étais enfant, j'allais avec ma mère chercher le lait à la ferme. On allait chercher le beurre à la ferme. On allait chercher le pain chez le boulanger qui faisait son pain lui-même. On allait à la ferme chercher de la viande, etc. Donc c'était, le commerce était local. Tandis que maintenant, c'est complètement international. Il y a des, on coupe ici les épicéas qui partent en Chine, ils sont coupés en Chine, ils reviennent ici pour en faire des meubles ou en faire des planches. Enfin, pour moi, c'est la folie totale. Et il suffit qu'il y ait un accroc, pour quelque raison que ce soit, pour une raison climatique. Tout d'un coup, il n'y a plus d'approvisionnement, parce que la source d'approvisionnement, il y a eu un événement climatique qui fait que tel type de nourriture tout d'un coup n'est plus disponible, les magasins ne sont plus approvisionnés, après 4 ou 5 jours c'est fini, le magasin est vide. Et pour beaucoup de choses ça peut être brutal comme ça quoi. Tout d'un coup oui je vais au magasin et puis tout d'un coup il n'y a plus rien quoi. Moi j'ai vu ça en Russie à la course et l'effondrement du système communiste. C'est un très bel exemple de ce que ça peut être. C'est-à-dire ? Ah ben, tout d'un coup, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de ressources, l'État s'effondre, il n'y a plus d'allocation de chômage, il n'y a plus de pension, les pensions de retraite, et tout d'un coup, il n'y en a plus, il n'y a plus d'argent. Alors on fait quoi ? Et ça va être très, ça risque d'être fort, fort brutal. Et donc beaucoup de violence, de désordre. D'office, tu penses ça quoi. Il n'y a pas d'alternative. C'est d'office, ça pue, ça c'est négatif, ça va pas le faire quoi. Quand je réfléchis, oui. Maintenant, je continue à espérer que ça ne se passera pas comme ça. Parce que, je veux dire, en tant qu'être humain, je ne peux pas continuer à avoir envie de vivre si je n'ai pas quand même un espoir, même si je n'en vois pas vraiment la source ou la réalité, mais c'est important de garder quand même un espoir dans quelque chose de plus positif que ça. Je continue malgré tout, à me dire oui, mais peut-être que quand même ça peut encore se passer autrement, quoi, que des changements peuvent se mettre en place d'un autre côté. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui vivent d'une manière alternative, dans le sens où on relocalise la production alimentaire, la production de légumes, la production de viande, on mange moins de viande, ça, je trouve ça très bien. Oui, mais quand tu dis on, c'est une minorité, hein, c'est pas la masse de gens, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas encore la masse, mais il y en a de plus en plus, et c'est un phénomène assez général. Et peut-être que c'est le principe de la masse critique. À un moment donné, si ça continue à augmenter, on pourrait atteindre ce niveau de masse critique où une autre manière de vivre pourrait commencer à se mettre en place et qui progressivement pourrait pousser sur le côté ce à quoi on est habitué, toute cette notion de commerce international, de capitalisme à outrance, qui risque de pas se laisser faire sans réagir, ça aussi. Mais comme ça part de la base, et que dans la base, moi je vois, il y a beaucoup de créativité. Moi je mets mon espoir dans cette créativité-là. C'est plutôt des mots, parce qu'on arrive à la fin là, c'est plutôt des mots positifs là du coup alors, bien que ta vision, ça me parle quoi, comment tu vois les choses. Sinon c'est vrai que si on est que dans le noir et dans l'obscur et que c'est la fin, c'est vrai qu'il y a une petite espérance de quelque chose, mais de quoi? C'est peut-être qu'une illusion, mais en tout cas ça permet de tenir debout. Voilà, exactement. Je te laisse les mots de la fin, ou bien tu penses que tu as déjà dit l'essentiel? Le mot de la fin, je dirais, c'est interdépendance. L'être humain n'est pas au sommet d'une pyramide, c'est pas lui le grand chef de toute la vie sur Terre. Il est un élément parmi d'autres, il est une forme de vie parmi d'autres. Et toutes ces formes de vie ont besoin de vivre d'une manière équilibrée et harmonieuse les unes par rapport aux autres. C'est ça l'interdépendance. L'homme fait partie d'un grand ensemble, et il n'est qu'un élément de cet ensemble, même s'il est un élément important, mais il n'est pas le plus important. L'homme a besoin d'apprendre quelle est sa place sur cette terre par rapport à cette nature, par rapport à toute cette vie foisonnante. Il a à apprendre quel est exactement son rôle et à respecter le rôle des autres et à tisser des liens de relations entre ces différents niveaux d'êtres vivants. Bon, à retenir, alors à réfléchir, hein, interdépendance. On voit déjà ça, par exemple, dans la permaculture. Il y a dans la région, là, j'étais visiter quelqu'un qui fait ça. Par exemple, il a deux cochons. Et c'est une race un peu différente que les cochons habituels, mais il a acquis un terrain qui était rempli de ronces et de broussailles. Alors, il a mis ses cochons sur le terrain et il n'a pas eu besoin d'aller s'embêter pendant des jours et des heures à s'épuiser à couper les ronces et couper les broussailles. Les cochons s'en sont chargés. Et eux, ça leur a fait plaisir parce qu'ils aiment ça. Voilà. C'est un tout petit exemple où il met les oies, il laisse courir les oies dans son potager parce qu'elles mangent les limaces. Et voilà, donc on peut tout à fait coopérer entre différents niveaux d'êtres vivants. Et pour moi, la vie harmonieuse, c'est cet art-là, c'est ça l'interdépendance. Mais tu ne crois pas qu'au fond, après on coupe parce que sinon ça va... Tu ne crois pas qu'au fond, on le sait depuis longtemps, à l'origine, qu'il y a une espèce... Sinon, j'ai un peu cette idée, il n'y a pas que moi qui le dis, mais après, il y a des écrits qui le confirment aussi, c'est qu'on a plutôt vécu dans la coopération les uns avec les autres, parce que sinon, à l'origine, si c'était la compétition, on serait morts, on n'aurait pas survécu. Mais aujourd'hui, on aurait tendance à faire croire l'inverse. L'idéologie dominante te ferait croire qu'en fait, c'est la loi du plus fort, c'est ça qui a toujours régné, alors qu'au fond, la coopération, elle est là à l'origine, quoi. Oui. Bien sûr, dans la nature, il y a la loi du plus fort, mais il y a aussi l'entraide. Et c'est une loi qui est tout aussi importante, si même plus que la loi du plus fort. Je trouve que c'est bien pour le mot de la fin. Ouais. L'interdépendance et l'entraide. Non? si, c'est bien. Hein? Moi, j'aime bien. Merci beaucoup à toi, alors. Hein? Avec plaisir.